J'ai ri de mes défaites et j'ai pleuré mes victoires. J'suis pas un conte, mais sur moi y'a v'là les histoires. J'ai revendiqué la rue, c'est peut-être ma seule faute. J'ai des frères retardataires, un jour parti trop tôt. Étoile sur scène, fais un vœu. Colère et haine, j'ai les deux. Regarde mon quartier si tu veux savoir ce que j'suis. Regarde mon casier si tu veux savoir ce que je suis. Un jour je serai accusé à tort d'avoir eu raison. Submergé par des questions, je me noie dans mes réponses. Ici rien n'est plus sûr, j'allie flow écriture. Je rate douleur et fissure, ouais j'ai déjà fait plus dur. Seul sur la lead, qui rivalise, qui essaye de lire entre les lignes. Chaque fois que je me livre, je repense aux frères morts quand je regarde les nuages. Un illettré devant une BD qui regarde les images. Le suicidaire fatigué, eux te parlent en détente. L'espoir en brillant, le succès c'est juste bruyant. Accepte ma mort en riant, mon histoire se cache dans un triangle. Tu dois être refroidi, certains en payent les frais. Ils connaissent que la violence, pourquoi leur parler de paix? Dois-je cacher mes joies pour que t'écoutes toutes mes peines? Esclave de mes mots, je passe sur toutes les chaînes. Mon train de vie déraille, qu'est-ce tu veux que je dise? Qu'est-ce tu veux que je vive? Où tu veux que j'aille? Je crains une fin bestiale. Rivalité, pas besoin d'être validé. À force de fuir tous mes cauchemars, je crains la réalité. Quoi qu'il se passe, eux, rien qu'ils se tapent des fois. Mais quelques coups de feu remettent la loi pour moi. Entre mes joies, mes peines, y'a un problème quelque part. Tu peux éteindre toutes les lumières, je reste un artiste phare. Je vis chaque seconde comme si je n'allais, je n'allais, je n'allais. Je vis chaque seconde comme si je n'allais, je n'allais, je n'allais. Jamais passer la trentaine.